Dis-moi qui tu fréquentes. Présenter et caractériser une personne. Exercice 1. Salut, c'est Alexandra à l'appareil. Ah salut, ça va? Oui, très bien. Tiens, ce matin, j'ai rencontré quelqu'un de très sympa. Je suis contente. Ah bon? C'est qui? Il s'appelle Aurélien. Je crois qu'il a 21 ans. Il habite chez ses parents, dans un petit village près d'ici. Et il est en troisième année de psycho à la fac. Et il est comment physiquement? Ah, il est pas mal, hein? Il te plairait. Il est assez grand, brun, et il a les yeux noisettes. Et vous avez eu le temps de parler un peu? Quels sont ses goûts? C'est un fan de rock. Il m'a dit aussi qu'il aimait beaucoup la photographie et qu'il adorait danser. Il ne fume pas et ne boit pas d'alcool. Il déteste ça. En plus, il fait partie d'une association de protection de l'environnement. L'écologie l'intéresse énormément. Ah, mais je vois que vous avez les mêmes opinions. C'est bien ça. Oui, c'est agréable de discuter avec lui. Et quel genre de caractère il a? Il est sympa? Oh oui, vraiment. Il est très bavard, mais très intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il sourit toujours. Il est très agréable, très communicatif. D'ailleurs, il a beaucoup d'humour. Mais il a l'air très sérieux. Il étudie beaucoup. Eh bien, j'ai hâte de faire sa connaissance. C'est toujours sympa de faire de nouvelles rencontres. Ça, c'est sûr. Peut-être que je pourrais te le présenter un jour. Bon, eh bien, je t'embrasse. On se voit bientôt? Ce week-end, si tu veux. Ok. Ciao.